Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1, Valérie Levé au microphone. Et si vous avez une voiture, est-ce que vous préférez payer une taxe sur l'essence ou une taxe sur les kilomètres parcourus? Vous penserez que peut-être ça revient au même puisque les kilomètres parcourus dépendent des litres d'essence qu'on achète, sauf si vous avez une voiture électrique. Alors cette taxe sur le kilométrage a été proposée à Montréal et pour Dominique Lich, qui est conseiller en éthique à la Commission de l'éthique en sciences et technologies, ce cas nous offre une belle illustration des interactions assez complexes entre les politiques publiques, les sciences et les technologies et les dilemmes qui en découlent et qui intéressent particulièrement l'éthique. Bonjour Dominique. Bonjour Valérie. Alors, je crois que pour commencer, il faut rappeler ou expliquer en quoi consiste cette proposition qui a été faite à Montréal par la Chambre de commerce de Montréal métropolitain. Quel est l'objectif aussi de cette taxe? Oui, bien sûr. Bien, dans un mémoire donc, qui a été rendu public là, au début du mois, la Chambre de commerce de Montréal métropolitain appelle en fait à remplacer la taxe sur l'essence dans la région métropolitaine de Montréal par une taxe kilométrique. Donc, comme vous l'avez mentionné, on parle alors d'exiger de chaque automobiliste qui circule sur le réseau routier de cette région, donc dans la région de Montréal, un montant, donc à payer pour chaque kilomètre parcouru, plutôt que de faire payer directement à la pompe, donc une taxe au kilomètre plutôt qu'une taxe au litre. Donc, en raison de l'électrification des transports, le nombre de voitures à essence, lui, est appelé à diminuer, du moins c'est ce qu'on souhaite. Ce qui réduit, en fait, du même coup, la consommation d'essence, ce qui est aussi ce qu'on souhaite. Mais ce qui a pour conséquence, évidemment, que les revenus qui proviennent de la taxe sur l'essence, eux aussi, diminuent. Ah ben oui. Et donc, la recommandation de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain vise principalement à combler le manque à gagner, qui est donc prévisible dans les revenus provenant de la taxe sur l'essence, qui servent en ce moment à financer les infrastructures routières et les transports collectifs dans la région de Montréal. D'accord. Donc, sachant cela, ensuite, quelle est la dimension éthique de cette proposition de la Chambre de commerce de Montréal métropolitain? En quoi est-ce que ça intéresse la Commission de l'éthique en sciences et en technologie? Oui, effectivement, parce que bon, c'est une mesure fiscale. En quoi est-ce qu'on parle d'éthique et de sciences ici? En fait, c'est un cas qui est très intéressant à notre avis, là, parce qu'on voit là toute la complexité des décisions en matière de politique publique dans le domaine des transports, où les décideurs doivent établir des priorités basées sur des objectifs politiques, mais sur les conséquences aussi attendues de ces politiques-là, mais aussi sur la base de valeurs, de principes, tels que le développement durable, l'équité entre les citoyens, l'équité entre les générations. Les politiques publiques de transport, c'est quand même particulier. C'est vraiment au cœur de l'action des gouvernements aujourd'hui, alors que, bon, on sait, les populations urbaines sont en croissance. On reconnaît de plus en plus l'ampleur des gestes à poser face à la crise climatique. Et donc, le défi est grand. Il faut développer un ensemble cohérent de politiques qui participent au développement des infrastructures de transport, à la pérennité de leur financement, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi à une offre attrayante et suffisante en matière de transport en commun, etc. Donc, il y a beaucoup d'enjeux qui se retrouvent au confluent, dans le fond, différents aspects là, des politiques de transport. Donc, c'est un défi qui est d'autant plus grand que c'est un domaine, évidemment, où les intérêts sont élevés, de multiples parties prenantes. On parle quand même de pétrole, qui est une ressource, un marché encore très stratégique. C'est les décisions en matière de transport, des répercussions qui sont directes dans le quotidien de l'ensemble de la population. D'accord, mais alors en quoi une mesure fiscale comme la taxe qui est proposée par la Chambre de commerce de Montréal est liée à la science et technologie? Oui, voilà. Ben, en fait, c'est indissociable ici de la science et de la technologie pour deux grandes raisons. D'une part, la question à laquelle cette proposition-là répond se pose en raison du développement et l'utilisation de certaines technologies, dont les batteries électriques qui rendent possible des voitures électriques qui fonctionnent complètement sans carburant. Donc, c'est un peu un résultat là, déjà du développement technoscientifique. Ça la montre aussi, surtout que des technologies qui représentent des solutions au problème des émissions de gaz à effet de serre vont souvent soulever d'autres problèmes, vont poser de nouveaux dilemmes et ainsi appeler pour de nouvelles politiques publiques en réponse à ces problèmes-là. Donc, des fois, on peut penser à une sorte de fuite en avant qui est un des problèmes, notamment en éthique des technologies. Autrement dit, il n'y a pas de réponse facile. Il n'y a pas de réponse technologique facile. Non, exactement. Et là où il n'y a pas de réponse facile, généralement, c'est bien de pouvoir invoquer des valeurs, des principes éthiques qui nous aident à guider nos décisions dans ces situations-là. D'autre part, en fait, il y a aussi la question des politiques publiques qui sont appuyées ou non sur les connaissances scientifiques et qui suscitent encore de la controverse dans la pratique. Je pense que tout le monde s'entend en général pour dire qu'on doit prendre nos décisions sur les meilleures données, mais encore une fois, dans la pratique, c'est loin d'être le cas. C'est particulièrement important pour la conception et l'évaluation de mesures d'éco-fiscalité, comme celle dont il est question ici. Donc là, vous venez de prononcer le mot éco-fiscalité, mais c'est un peu flou dans notre tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, bien, l'éco-fiscalité, en fait, bon, évidemment, c'est une forme de fiscalité, donc qui a rapport aux taxes, aux impôts, aux tarifs, mais c'est une manière de concevoir les mesures fiscales qui prend en considération des objectifs environnementaux et surtout les conséquences environnementales des mesures en question. Donc, par la fiscalité, de manière générale, on va chercher, évidemment, à lever des fonds pour financer les dépenses publiques. Mais il y a d'autres fonctions aussi à la fiscalité, donc qui peut être d'influencer les comportements des consommateurs, donc en fournissant des incitatifs financiers à adopter certains comportements et en augmentant le coût d'autres comportements. Donc, on peut penser, évidemment, à des crédits d'impôt pour les voitures électriques, qui sont des incitatifs à l'achat de voitures moins polluantes. Et à l'inverse, ben, des taxes aussi sur l'essence, qui sont des manières de, on pourrait dire, réduire un peu la consommation d'un bien qui est très polluant. Donc, en éco-fiscalité, donc en plus de lever des fonds pour financer des technologies vertes, par exemple, on va vouloir orienter les consommateurs vers des produits qui ont un plus faible bilan carbone, rendre moins attrayantes des options qui émettent plus de gaz à effet de serre. On peut voir ça d'une autre manière, on peut parler de mesures qui internalisent les externalités négatives. Là, ce qu'on veut dire avec ça, c'est que c'est une manière de dire qu'une taxe, en fait, peut servir à faire payer à l'utilisateur les coûts environnementaux qui sont cachés, les coûts de ses choix qui sont normalement cachés, qui ne sont pas intégrés déjà dans le prix des biens. Qui sont payés par personne, bien souvent. Exactement. Et quand personne paye, ben, tout le monde paye. Donc, c'est l'ensemble de la société, à ce moment-là, qui doit prendre en charge ses coûts. Et donc, pour le dire simplement, c'est de se demander, en fait, quelle est la juste part que doivent payer les différents usagers de la route pour faire face aux différents enjeux en matière de mobilité et de lutte au changement climatique. La taxe sur le carburant, donc, comme je disais, c'est une manière là, de répondre à ces trois visées-là en éco-fiscalité. Donc, lever des fonds pour financer le transport collectif, ce qui est nettement préférable sur le plan environnemental que l'utilisation de la voiture individuelle. Rendre l'option de la voiture individuelle à essence moins attrayante en augmentant le coût de son utilisation et faire payer les automobilistes pour les dommages environnementaux qui découlent de l'utilisation de leur voiture. Donc, puisque ça ne semblerait pas répondre à ces trois préoccupations, pourquoi la remplacer par une taxe sur le kilomètre? Ben voilà, en fait, l'argument de CCCM, de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, c'est assez simple, en fait. Il s'appuie sur deux constats. Le premier, c'est qu'on a des besoins croissants en matière d'infrastructures routières et de transport collectif. Le deuxième, c'est qu'avec l'arrivée des voitures électriques, on doit anticiper des pertes de revenus. Donc, comme on le disait, la baisse de la consommation d'essence au prorata des véhicules en circulation entraîne une baisse des revenus provenant de la taxe sur le carburant et donc ce qui ne serait plus à terme suffisant pour financer les infrastructures. Alors, on aurait donc besoin d'une nouvelle source de revenus. Donc ensuite, la question qui se pose, c'est de savoir c'est quoi le meilleur outil. Quel est l'outil qui soit le plus efficace et le plus équitable pour atteindre les objectifs qu'on n'est plus en mesure d'atteindre avec la taxe sur l'essence, notamment en matière de financement. Donc c'est ici qu'entre en jeu le type de péage routier, dans le fond, qui est préconisé dans le mémoire par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, c'est-à-dire la taxe kilométrique, la taxe au kilomètre, et avec elle, les technologies qui sont impliquées pour sa mise en œuvre. Ben justement, en fait, ça fonctionnerait comment? Quelles seraient les technologies pour savoir combien de kilomètres font les voitures? Oui, bien sûr. Ben, donc, une taxe kilométrique, là, dans le contexte qui nous occupe ici, c'est un péage, donc un péage routier, mais qui est exigé pour chaque kilomètre parcouru, donc très précis. Donc, un calcul très précis pour vraiment personnaliser, si on veut, la taxation vraiment à l'utilisation. Donc, chaque kilomètre parcouru sur le réseau montréalais. Pour facturer les automobilistes, donc selon le nombre de kilomètres en question, il y a deux technologies qui sont retenues là, par la Chambre de commerce pour offrir la solution la plus économique et la plus efficace. Donc, dans leur mémoire, donc vous pouvez aller le lire, il y a plusieurs options qui sont considérées, certains plus ou moins axés sur la technologie, dont du péage traditionnel, donc avec des bornes de péage. Mais donc, celle qui est la plus économique, la plus efficace, qui retiennent, c'est vraiment la taxe kilométrique telle qu'on va la présenter. Et il y a deux technologies qui sont utilisées pour faire ça, donc pour suivre les voitures et calculer, mesurer le nombre de kilomètres parcourus. La première, c'est l'installation d'une très grande quantité de caméras qui seraient en mesure de lire les plaques d'immatriculation. Effectivement, c'est plus que des photoradars. Donc là, l'idée, c'est vraiment de suivre le déplacement de chaque voiture. La seconde, peut-être un peu plus facile pour dans l'exécution, c'est d'installer une puce au pare-brise de chaque voiture, ce qu'on appelle un transpondeur. Et là, ça permet d'accomplir essentiellement la même chose. Donc, de suivre les déplacements de chaque voiture en les scannant, dans le fond, à chaque fois qu'ils passent près de certaines bornes. Donc, il va sans dire que le mode de tarification et les technologies utilisées, eux-mêmes vont générer une grande quantité de données sur les déplacements des utilisateurs du réseau montréalais. Donc, c'est une proposition qui soulève une foule d'enjeux en matière d'efficience dans les politiques publiques, en matière d'équité, protection de la vie privée aussi, et de manière plus globale, des questions d'équilibre entre les bénéfices collectifs qu'on attend de cette taxe-là et les risques pour les individus, notamment en matière de vie privée. Donc, une taxe kilométrique comme mesure d'éco-fiscalité aurait donc pour objectif d'assurer la pérennité du financement des infrastructures, mais aussi de faire en sorte que tous les usagers de la route paient leur juste part dans les efforts publics pour améliorer la mobilité et pour réduire drastiquement nos émissions de GES, finalement. Tout à fait. Donc, dans ce cas-là, l'argument qui est avancé, c'est que la voiture électrique, elle ne devrait plus être vue comme une véritable solution, ou du moins comme une solution unique, là, aux enjeux environnementaux dans le domaine du transport, ou en tout cas, du moins, comme si on est pour l'avoir comme une solution, mm-hmm. comme une solution qui est uniquement partielle. Donc, évidemment, ça vient bousculer un peu la manière dont les gouvernements ont abordé la question de l'électrification des transports individuels jusqu'à maintenant, du moins au Québec et au Canada. Jusqu'à maintenant, en fait, les gouvernements encouragent, puis d'année après année, c'est reconduit ou même bonifié. Donc, ils encouragent l'achat de voitures électriques, notamment par des crédits d'impôt, donc dans une perspective de développement durable. Et le faible coût de l'électricité, le fait que cette électricité-là, surtout au Québec, provienne de sources renouvelables, mm-hmm. les économies réalisées donc en ne consommant plus de carburant, c'est des incitatifs importants là, pour les Québécois à l'achat d'une voiture électrique. Mais bon, comme on l'a mentionné, la croissance de la part des voitures électriques dans le parc automobile a aussi pour effet de réduire les revenus qui assurent une bonne part du financement des mm-hmm. infrastructures de transport, surtout en matière de transport en commun. Donc, du point de vue de l'éthique, l'aspect le plus intéressant, si on veut, de l'argument de la CCMM, c'est que ça serait devenu inéquitable, en fait, que les conducteurs de voitures électriques soient exemptés de participer mm-hmm. au financement des infrastructures, alors qu'ils utilisent eux-mêmes ces infrastructures-là, même titre que des conducteurs de voitures à essence, et qu'il y a aussi des effets négatifs là, de l'utilisation de la voiture individuelle qui ne dépendent pas, urbain, là, dans le fond, du mode de propulsion. Là. Donc, l'étalement du réseau routier, la congestion routière, c'est des problèmes importants qui ont des impacts environnementaux mm-hmm. aussi. Et donc, évidemment, l'idée derrière ça, c'est que l'effort pour répondre à ces problèmes-là devrait être partagé entre tous ceux qui participent mm-hmm. au problème. Mm-hmm. Donc, c'est une application très directe là, du principe de l'utilisateur-payeur, où les utilisateurs des infrastructures routières participent directement à leur financement. Et ce, bon, dans la proportion précise, en fait, même de leur utilisation, là, par le nombre de kilomètres parcourus. D'ailleurs, ça ne va pas vraiment de soi qu'il faille adopter le principe de l'utilisateur-payeur. Non, effectivement, c'est une manière de concevoir les mesures fiscales. Donc, l'accès au réseau routier pourrait être considéré comme un service qui est universel, hein, qui doit être offert, peu importe la capacité de payer. En même temps, les conséquences négatives de l'utilisation de certains moyens de transport sur l'ensemble de la société et sur l'environnement sont importantes, hein, ce qui permet quand même de distinguer, par exemple, les routes des universités, hein, où les universités étant un domaine, l'éducation, un domaine où le principe du utilisateur-payeur est appliqué, donc une contribution des étudiants est demandée, même s'il n'y a pas vraiment d'effet négatif pour la société, mm-hmm. bien au contraire. Donc, l'argument ici, c'est que si on accepte le principe pour l'éducation, ce serait difficile de le refuser pour le transport où il y a vraiment des effets négatifs qui sont collectifs, là, qui sont marqués. La question, donc, est de savoir si c'est vraiment à l'ensemble de la société de payer pour les conséquences négatives de l'utilisation de la voiture individuelle ou si c'est davantage aux automobilistes eux-mêmes de mm-hmm. défrayer les coûts. Mm-hmm. Donc, évidemment, là, c'est une question ouverte. Hein. C'est quelque chose qui doit faire l'objet d'un débat démocratique. Il n'y a pas d'argument final qu'on entend, bien sûr, mettre de l'avant là-dessus. Parce qu'il y a différentes manières de procéder. On pourrait aussi décider de financer des incitatifs vers des alternatives propres à partir des fonds publics généraux, donc sans ajouter de surcoûts pour dissuader les automobilistes actuels, par exemple. Donc, plusieurs vont utiliser leur voiture plutôt par nécessité, en raison de la manière dont nos villes sont construites, mm-hmm. du coût du logement, donc où sont en mesure de se loger par rapport mm-hmm. à leur emploi, de lacunes déjà quand même dans le système de transport collectif. Pour plusieurs, ça ne correspond pas à leurs besoins. Ouais. Donc, on pourrait quand même aussi faire l'argument que le réseau routier devrait demeurer quand même universellement accessible. Oui, c'est vrai. Puis on pourrait dire aussi à propos de cette taxe qu'il y a une forme d'incohérence de la part du gouvernement parce que d'une part, il encourage l'achat de voitures électriques par diverses subventions et incitatifs financiers, mais avec une telle taxe sur le kilométrage, l'incitatif financier est quand même diminué. Et puis, d'autre part, il y a une incohérence entre des mesures pour favoriser le transport collectif et des incitatifs pour l'achat de véhicules électriques qui restent du transport individuel. Oui, tout à fait. C'est vrai que l'ajout d'une taxe là, à laquelle les conducteurs de voitures électriques seraient soumis pour compenser le retrait de la taxe sur le carburant, ça change quand même, au moins partiellement, là, le calcul économique qui peut être fait par les consommateurs au moment du choix d'une voiture électrique. Donc, certains pourraient trouver qu'on change les règles du jeu, dans le fond, donc que c'est injuste. Puis, et puis, éventuellement, on les change en cours de route. Effectivement, puis on s'entend que cet achat-là, on entend le rentabiliser, entre guillemets, sur une période quand même assez longue. C'est ça, Bon, cela dit, il n'est pas nécessairement incohérent d'agir sur plusieurs fronts dans le dossier. Donc, l'incohérence est peut-être aussi plus apparente que réelle. Hein, parce qu'on peut vouloir que ceux qui ont à utiliser une voiture individuelle, préfèrent une voiture électrique par rapport aux voitures à essence. Donc, sans vouloir non plus que les voitures électriques deviennent des moyens de transport privilégiés par mm-hmm. la majorité de la population. Donc, mm-hmm. on peut vouloir effectuer un virage vers moins de transport individuel tout en reconnaissant qu'il y aura quand même toujours des voitures individuelles. Ouais. Et pour ces voitures-là, bien évidemment, le mm-hmm. moindre mal demeure la voiture électrique. Donc, on peut vouloir remplacer une partie des voitures à essence existantes, mais sans ajouter davantage de voitures individuelles sur les routes, puis même vouloir continuer à diminuer. Là, à ce moment-là, ben, la complexité des politiques publiques à mettre en œuvre, là, on est dedans. là-dedans. Ben, ouais, c'est là qu'on voit qu'il faut jouer sur plusieurs fronts. Il y a pas, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas juste une solution simple à un problème. En plus, on avait dit déjà dans une chronique précédente avec un de vos collègues, vous faisiez remarquer que l'aura verte de la voiture électrique doit être substantiellement nuancée. Oui, effectivement. Donc, si on conserve, on en avait discuté, si on regarde l'ensemble du cycle de vie d'une voiture électrique, il y a des coûts environnementaux qui sont importants. Donc, au-delà de l'utilisation et de l'utilisation de carburant, il faut voir un peu plus large que ça. Donc, pour plusieurs, c'est vraiment l'auto solo, en fait, qui est encore plus problématique que la voiture à essence, compte tenu justement de l'ensemble des conséquences négatives que ça entraîne, que ce soit même juste pour défigurer nos villes, là, donc la manière dont ça oriente le développement urbain, mais évidemment aussi donc tout ce que ça implique en termes d'infrastructures routières, comme on disait, qui a aussi des conséquences environnementales. Donc, les solutions au problème des réseaux de transport seraient pour plusieurs, donc plus à chercher du côté de la qualité et de l'accessibilité du transport en commun, donc de l'électrification des transports, certes, mais plus des transports commerciaux, par exemple, et des transports collectifs, puis vers la réduction aussi à la source, carrément, des besoins en matière de transport. Donc, on parle de densification urbaine qui permettrait de réduire, par exemple, la longueur des trajets. Donc là, dans un tel cas, la tarification kilométrique est assez cohérente et donne un incitatif plutôt à délaisser l'auto solo. Donc, pour le dire autrement, en fait, la voiture électrique, c'est pas vraiment une technologie verte, c'est plutôt une technologie de remplacement, c'est-à-dire que c'est un moindre mal en comparaison à la voiture à essence. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement, une technologie de remplacement? Oui, je parle de technologie de remplacement ici pour dire en fait que c'est une technologie qui n'est acceptable en fait qu'en comparaison avec autre chose. Donc, un exemple dans un autre domaine, ce serait celui de la cigarette électronique ou de la vapoteuse, par exemple. Ah oui. Donc, dès le départ, en fait, il y avait certains risques connus à la cigarette électronique. On savait que il y avait quelques composantes qui pouvaient donc être inhalées évidemment par l'utilisateur. On savait aussi qu'il y avait de l'incertitude concernant d'autres risques potentiels. Donc on savait pas exactement quels étaient les effets à long terme sur la santé. Ce qui devrait normalement suffire là, pour juger que c'est pas une technologie qui favorise la santé. Donc on peut pas la présenter telle quelle. On n'aurait pas vraiment à encourager son utilisation. Néanmoins, c'était aussi évident qu'il était clairement moins nocif de vapoter que de fumer une cigarette traditionnelle, du tabac. Ainsi, donc, c'est une bonne technologie de remplacement pour ceux qui ne réussissent pas à cesser de fumer autrement. Donc, c'est un moindre mal, mais on ne veut pas que les gens commencent à fumer à partir en utilisant les cigarettes électroniques, par exemple. Donc, ce qu'on a vu néanmoins, c'est que le marché s'est emparé de la cigarette électronique. Plutôt que s'appliquer un principe de précaution, l'utilisation de la cigarette électronique s'est étendue chez les jeunes, chez les non-fumeurs. Et donc, au lieu de réduire les effets négatifs chez certains, donc les gros fumeurs qui sont incapables d'arrêter de fumer autrement, ben là, on en crée de nouveaux chez d'autres qui n'en auraient pas eu sinon. Et donc, c'est pourquoi une technologie de remplacement ici devrait faire l'objet d'incitatifs qui sont très ciblés, très modérés, donc avec y aller avec beaucoup plus de discernement dans la manière dont on en fait la promotion. Alors qu'une technologie qui serait véritablement verte, ou pour reprendre l'exemple de la vapoteuse, une technologie qui a une incidence vraiment positive sur la santé, ben là, ça peut faire l'objet d'incitatifs plus généreux, plus importants. Dans l'exemple qui nous intéresse, ben, ça veut dire que la voiture électrique devrait être plus accessible et encouragé que la voiture à essence, mais que le transport collectif et la réduction du parc automobile, lui, devrait demeurer ce qui est privilégié de manière plus générale. Ah oui, oui. Vous mentionniez aussi plutôt que les technologies qui seraient utilisées pour appliquer la taxe kilométrique allaient générer une grande quantité de données sur les déplacements des automobilistes avec des transpondeurs qu'on aurait par exemple dans notre voiture. Oui. Alors, qu'on s'inquiète des capacités grandissantes des surveillances qu'ont les entreprises et des États et avec les fuites de données que nous avons connu récemment, est-ce que c'est pas un peu risqué quand même d'instaurer ce genre de collecte de données personnelles et quand même c'est assez sensible, c'est comme si on était suivi à la trace dans tous nos déplacements. Ben c'est pas comme si, hein, c'est littéralement la chose. En fait. Donc évidemment ça soulève des enjeux éthiques en matière de protection de la vie privée. Ça nous fait suivre les déplacements de chaque automobiliste pour pouvoir déterminer le nombre de kilomètres parcourus. Donc, à part ça, il est possible de se dire que l'utilisation de ces données-là va être limitée à cette mesure du kilométrage, mais en même temps, la porte est ouverte à partir de ça à cartographier les déplacements de chacun. De prime abord, on peut dire l'acceptabilité d'une telle taxe repose vraiment beaucoup sur la manière dont on va pouvoir protéger les données des individus. Cela dit, des applications qui utilisent la géolocalisation actuellement peuvent déjà savoir quels sont les lieux les plus fréquentés par les utilisateurs, le temps passé à chaque endroit, permettent de déduire le lieu de résidence et d'emploi, de faire des hypothèses sur les activités, même les personnes qu'on rencontre. Donc, la question, en fait, se pose de manière beaucoup plus large que par rapport à la simple proposition de taxe kilométrique et aux technologies qui lui sont associées. mais elle se pose quand même dans ce cas-là, évidemment. On rajoute encore une autre collecte, on rajoute encore une source de données. Parce qu'en fait, est-ce que c'est différent de ce que donnent comme données nos cellulaires quand ils sont allumés? Ben effectivement, un cellulaire qui géolocalise, voilà. Pour ne pas le nommer, en utilisant des applications comme Google Maps, et évidemment, nous trace un portrait assez assez précis là, de nos déplacements. Là. Et comme je disais, le risque peut-être supplémentaire, c'est qu'on rajoute encore un autre ensemble de données, et on sait que plus on a de données qu'on peut croiser, ben là, plus c'est possible de déduire des éléments très très spécifiques sur la vie des individus. Donc, en bref, là, dans le fond, en plus de devoir générer des bénéfices collectifs importants, donc à démontrer, donc la collecte de données doit pouvoir se faire dans un contexte où les citoyens conservent un niveau suffisant de contrôle sur l'accès à leurs données personnelles, sur leur utilisation. Et donc des garanties surtout sur la manière dont ça va être géré. Donc le fait que ça puisse être géré au public, et on l'espère que ça ne serait effectivement pas donné en impartition au premier venu. Ça reste à prouver. Permet donc peut-être d'être un peu plus optimiste là, sur la manière dont ça va être protégé, mais faut demeurer très vigilant. Donc les gouvernements ont clairement le devoir de protéger la population, de faire respecter leurs droits. À l'inverse des entreprises privées qui ont évidemment qui ont des obligations, mais qui ont aussi d'autres intérêts. Et donc, à cet effet-là, on est encore loin, malheureusement, d'avoir identifié, réalisé l'ensemble des changements nécessaires pour adapter correctement nos lois, nos règlements, la collecte au traitement de grandes quantités de données, potentiellement sensibles, comme celles de déplacement. Les gouvernements, ils travaillent activement et nous-mêmes, nous y sommes activement impliqués pour essayer de trouver des solutions à ces problèmes-là. Mais je trouve ça quand même assez impressionnant comment cette question d'une taxe kilométrique soulève beaucoup de questions, finalement. De nos jours, tout est dans tout. On n'en sort pas. Alors, merci beaucoup, Dominique, d'être venu nous présenter toute cette réflexion. Je rappelle, Dominique Klisch, que vous êtes conseiller en éthique à la Commission de l'éthique en sciences et en technologie. Merci beaucoup. Alors, restez avec nous sur CKRL 89.1, car au retour, on fait un plongeon dans le temps pour faire la connaissance de William et Caroline Herschel, qui ont découvert Uranus.